bon pas direct. Ne mouge Jean-Baptiste. Papa Gabelle. Un demi-siècle, on passe, ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que bon, c'est l'étape tombée déjà. L'y font chemin pour toute génération. Pas que un yé pour le prochain monde. On continue à célébrer. Oh non, non, oh non, non. Alors, héritage sacré, ça, papa. Quand elle sortit, puis loin passé, quand elle parlait. Nous gagnons un rêve, faut que nous réalisons. We need to cross over. Pas oublier qu'on parle son bagage qui saute dans le cœur. Exprimer ça, nous sentir. Fait qu'on est ça nouveau, ça nous y est. On baille la main. On sait pour nous marcher. Tant oui, souple. Right. On baille la main. On sait pour nous marcher. On chita sur même table, on discute de problèmes industriels. Dans respect, yon pour l'autre, compagne va triompher. Nous tendez, Gabelle, c'est walala. Fanatique, yo, c'est walala. On chita sur même table, on discute de problèmes industriels. Dans respect, yon pour l'autre, compagne va triompher. Jacuzzi Vice, sont parés déjà. Créole la crazy, sont parés déjà. Henga out new look, sont parés déjà. Masque on va zinglin, sont parés déjà. Tout jazz yon net, sont parés déjà. Tout ça cap joué compa Favona, Apocalypse 2000. Tout jazz cap joué compa direct en dessin. C'est pas ma chaîne.